بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On commence aujourd'hui un nouveau sous-chapitre. باب الإلاء والظهار واللعان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le sous-chapitre concernant الإلاء ainsi que الظهار et اللعان. On va expliquer tout ça بإذن الله تعالى. Al-ila, qu'est-ce que c'est? Il nous dit l'auteur, rahimahullah, fal-ila, an yahlifa la tarki wat'i zawjatihi abadan, aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhur. Et donc, al-ila, c'est le fait de jurer, donc, c'est le fait que l'individu jure sur le fait de délaisser les rapports avec son épouse, donc de ne plus avoir de rapport avec son épouse, de ne plus jamais avoir de rapport avec son épouse, ou alors une période qui est supérieure à 4 mois. Ou alors une période qui est supérieure à 4 mois. Et donc il est important de savoir ici, barakallahu fikoum, que concernant l'ila, il est impératif que la personne jure par Allah tabaraka wa ta'ala ses noms ou ses attributs. Si la personne jure par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, les savants disent que ça ne rentre pas dans ce chapitre. Ça ne rentre pas dans ce chapitre. Donc tout d'abord, il est impératif que la personne jure par Allah tabaraka wa ta'ala. Comme vous connaissez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan, fal yahlif billah. Ensuite, dans cette définition qu'a cité l'auteur, il nous dit donc c'est le fait de jurer, que l'individu jure sur le fait de ne plus avoir, de ne plus jamais avoir de rapport avec son épouse, ou alors une période supérieure à 4 mois. Maintenant, si la personne, elle jure sur le fait de ne pas avoir de rapport avec son épouse pendant 1 mois, est-ce que ça rentre dans l'ila ou pas? Là, c'est un sujet de divergence entre les ulama. Certains nous disent non, parce que l'ila, c'est 4 mois minimum. Certains nous disent que l'ila, c'est 4 mois minimum. Et d'autres, ils disent oui, ça rentre dedans. Et d'ailleurs, ils s'appuient sur l'acte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait cela à ses épouses. Il a fait l'ila à ses épouses, justement, lorsqu'elles se sont plaintes concernant justement la nourriture, concernant la subsistance, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a Omar qui est venu blâmer sa fille. Est-ce que vous demandez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas? Est-ce que vous demandez au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas? Et c'est d'ailleurs l'histoire qu'on avait citée il y a quelques jours concernant le fait que donc certaines une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait le délaisser toute la journée jusqu'au soir. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a juré de ne plus avoir de rapport avec ses épouses pendant un mois. Ensuite, au bout de 29 jours, il est retourné et il est allé voir Aïcha. C'est la première qu'il est allé voir et il leur a donc proposé à ses épouses: est-ce que vous voulez Allah et son messager, ou est-ce que vous préférez la dunya? Chacune, elles ont toutes choisi, donc Allah et son messager, le fait de patienter dans la difficulté qui est liée à cela. Et lorsqu'il est allé voir Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha lui a dit: tu as juré que tu allais donc nous délaisser donc pendant 1 mois, et là ça fait 29 jours, je compte depuis le début. Et lui a dit, c'est là qu'il a dit à Aïcha: les mois sont de 29 jours ou de 30 jours, et ce mois-ci est de 29 jours. Et donc la vie la plus juste, c'est que si l'homme, il demande ou alors il jure de délaisser ses épouses, de délaisser les rapports avec ses épouses durant une période qui est inférieure à 4 mois, alors cela rentre aussi dans al-ila. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, fa'idha talabat az-zawjatu haqqaha min al-wat umira bi wat'iha wa duribat lahu arba'atu ashhur. Et donc si l'épouse, elle demande son droit, qui est le rapport, alors à ce moment-là, il lui sera ordonné d'avoir un rapport avec elle et on comptera pour lui 4 mois. C'est-à-dire, on comptera pour lui 4 mois depuis le début qu'il a commencé donc cela, qu'il a appliqué cela, c'est-à-dire depuis le début qu'il a délaissé sa femme, on compte 4 mois. Au bout des 4 mois, on lui dira, il était obligatoire d'avoir un rapport avec ton épouse. Tu ne peux pas la laisser comme ça. فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّرَةَ يَمِينٍ. Et donc, s'il a un rapport avec elle, à ce moment-là, il va devoir faire une expiation, l'expiation quant au fait qu'il a juré, parce qu'il a juré avant de ne plus avoir de rapport avec elle, donc pour une période qui est supérieure à 4 mois, ou de ne plus jamais avoir de rapport avec elle. Donc là, il a juré. Et nous, maintenant, on lui ordonne d'avoir un rapport. On lui dit ça, t'as dépassé 4 mois, il était obligatoire. T'es arrivé à 4 mois, il était obligatoire d'avoir un rapport. S'il a un rapport avec elle, il va devoir donc, il aura une expiation. Quelle est l'expiation ici? C'est la même expiation que celui qui a juré et qui ne respecte pas donc ce sur quoi il a juré. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, Et donc son expiation, c'est le fait de nourrir 10 pauvres, de ce avec quoi il nourrit sa famille. Il nourrit 10 pauvres, de ce avec quoi il nourrit sa famille. Là, ce n'est pas un pauvre que tu vas nourrir 10 fois, attention. C'est bien 10 pauvres. Ou alors le fait de les vêtir. Donc soit tu les nourris, soit tu les vêtis. Les savants, ils nous disent, tu les vêtis comment? C'est le minimum, c'est le fait de leur donner ce qui est valable pour la salate. Le fait de leur donner ce qui est valable pour la salate. C'est ça le minimum. Tu lui donnes un sirwal, on va te dire la yakfi. Ça ne suffit pas. Il faut absolument aussi le haut pour qu'il puisse faire la salate. Ou alors le fait de... Donc d'expier, de libérer un esclave. Le fait de libérer un esclave, et les savants, il y a divergence ici, mais la vue la plus juste et la vue la plus répandue, c'est la vue de Jumhur. Il n'y a que Abu Hanifa ici qui s'est opposé à cela. C'est le fait que ce soit un esclave croyant. Le fait de libérer un esclave croyant. Et ici, on voit, barakallahu fikoum, ce que j'avais dit précédemment, le fait que cette religion, elle pousse à libérer les esclaves. Elle pousse au fait de libérer les esclaves. Et on le verra dans plusieurs expiations. Ici, là, c'est la personne qui jure. La personne qui a juré et qui n'accomplit pas ce pourquoi elle a juré. Là, parmi les expiations, donc soit nourrir 10 pauvres, ou alors les vêtir, ou alors libérer un esclave. Et donc, cette religion, elle pousse à libérer les esclaves, et tu ne trouveras pas de texte qui pousse à prendre des esclaves. Celui qui ne trouve pas, donc celui qui n'a pas la capacité de nourrir 10 pauvres, ou de les vêtir, ou de libérer un esclave, à ce moment-là, il jeûne 3 jours. À ce moment-là, il jeûne 3 jours. Donc voilà l'expiation, donc, concernant ceux qui ont juré et qui ne respectent pas ce pourquoi ils ont juré. Donc cette personne-là, qui va avoir un rapport avec cette femme, il va devoir, donc, accomplir une expiation qui respecte ce verset. Ensuite, l'auteur nous dit, wa inimtana'a. Et donc, si il refuse d'avoir un rapport avec elle, alors là, on le force à divorcer. On le force à divorcer. À divorcer. Et donc, ici, c'est qui on? C'est pas vous, moi, c'est El-Hakim, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui va le forcer à divorcer. Et les savants, ils nous disent, s'il ne veut toujours pas divorcer, alors le gouverneur procède à la séparation entre le divorce. Il n'aura pas donc le choix. Et tout cela en respectant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc pour ceux qui jurent de délaisser leurs épouses, alors on attendra 4 mois. S'ils reviennent, en ayant des rapports avec leurs épouses, alors certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais si il persiste, dans le fait de vouloir divorcer, alors certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il entend tout et connaît tout. Barakallahu fikoum, les frères, cette expiation, elle s'applique avec condition. Elle s'applique avec condition, comme on a vu. Donc, c'est le fait qu'il revienne. Le fait qu'il revienne, l'expiation. Il revienne, donc qu'il a un rapport avec son épouse. Si il n'a pas de rapport avec son épouse et qu'il divorce, il n'a pas d'expiation. On est d'accord. D'ailleurs, je devais vous poser des questions. Donc, qu'est-ce que le divorce sunni, qui est fait selon la législation, qui est conforme à la sunna? Tayyib. Le divorce sunni est conforme à la sunna dans certains principes. Quels sont ces principes? Il est conforme à la sunna dans quoi? C'est à toi de me dire. Le divorce sunni est conforme à la sunna dans quoi? Voilà, il est conforme à quoi dans la sunna? Quelles sont les conditions? Divorcer son épouse après qu'elle soit purifiée de sans avoir eu de rapport, sauf si elle est enceinte. Tayyib. Et sauf, on avait un autre cas encore, si elle n'a plus de menstrues. Et sauf si elle n'a plus de menstrues. Tayyib, le divorce bid'i, le divorce innové, c'est celui qui ne respecte pas, donc, la législation. Tayyib, exemple, un rapport, il divorce avant les menstrues. Non, il divorce son épouse dans une période de pureté, alors qu'il y a eu un rapport. Un deuxième exemple, il la divorce pendant les menstrues. Tayyib, il la divorce 3 fois d'affilée. Non. On a, barakallahu fikoum, on a vu hier le divorce définitif ainsi que le divorce qui n'est pas définitif, le divorce qui est annulable. Qu'est-ce que le divorce définitif? C'est quoi le divorce définitif? Tu ne peux plus reprendre ton épouse. Et celui-ci se divise en, il y a 4 cas, mais il se divise en 2 parties. Et donc, il y a le divorce définitif qu'on a vu, qui est celui qui est court et celui qui est long. Je veux un exemple concernant le divorce définitif long et un exemple concernant le divorce définitif qui commence. Wow. Très bien. Donc, celui qui a divorcé son épouse 3 fois, il ne peut plus se marier avec elle, sauf s'il y a un autre homme qui se marie avec elle et qui a un rapport avec elle et qui la divorce. À ce moment-là seulement, il pourra se remarier avec elle. Le divorce définitif court, un exemple. Il divorce son épouse sans avoir eu de rapport avec elle. À ce moment-là, c'est un divorce définitif. Mais par contre, s'il veut, il peut très bien refaire un contrat de mariage avec elle et se remarier avec elle. Il n'y a pas de mal. Tayyib, il nous reste 2 autres cas dans le divorce définitif. Là, on en a vu 2. Il nous reste 2 autres. Un nikah facile. Et donc, le contrat de mariage qui n'est pas valable. Le contrat de mariage qui est caduque. On a vu un autre cas encore. El khul. Tayyib. Et le divorce qui n'est pas définitif. Le divorce qui est annulable. C'est lequel? Donne-moi un exemple. Et donc il divorce sa femme une première fois après avoir déjà eu des rapports avec elle. Et donc là, il peut, durant la période de viduité, il peut très bien la reprendre. Et donc ça, c'est un divorce qui est annulable. Alors on a ensuite al-dhihar. Donc concernant al-dhihar qui vient de al-dhahar, donc le dos. Al-dhihar, c'est le fait que, donc, comme il nous dit l'auteur, il nous dit wadhihar an yaqula li zawjatihi anti aliya ka dhahri ummi. C'est le fait qu'il dise à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et donc ce qui est voulu ici, c'est tu es pour moi comme ma mère. Ça veut dire que tu m'es illicite de la même façon que ma mère m'est illicite. Et ensuite il dit l'auteur wanahuhu min al-alfaz aw wanahuhu min al-alfaz at-tahrim as-sariha li zawjatihi. Ou autre que cela, parmi les termes qui sont clairs dans le fait de montrer qu'il lui est interdit d'avoir un rapport avec son épouse. Tayyib, les savants ils nous disent, s'il dit, tu es pour moi comme la jambe de ma mère, tu es pour moi comme l'épaule de ma mère, etc., etc., est-ce que ça rentre dans le même chapitre? Oui, ça rentre dans le même chapitre. Ok, maintenant, s'il dit, tu es pour moi comme le dos de ma sœur, si tu es pour moi comme le dos de ma sœur, ça rentre toujours dans le même chapitre. Pourquoi? Parce que sa sœur aussi, elle lui est interdite. Et donc ça, ce sujet-là, il concerne donc toutes les femmes qui sont interdites à l'homme. Les femmes qui sont interdites à l'homme. Sœur, fille, tante, etc. Tayyib. Alors il nous dit l'auteur, rahimahullah, il nous dit « Fahuwa munkarun wazurun al-dihar » Et donc cet acte-là, « Barakallahu fikoum » C'est un mal, il est fortement réprimandé et ceci est un mensonge. Comment est-ce que tu peux donc faire la ressemblance entre ta femme qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé et t'a permis d'avoir des rapports avec elle et ta mère qui t'est formellement interdit. Et donc ceci est un mensonge, cette parole est un mensonge. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre وَإِنَّهُمْ لَيَكُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. Donc certes, ceux qui disent cela, ils prononcent une parole blâmable et mensongère. Et ceci, barakallahu fikum, est interdit par l'unanimité des savants. Ceci est interdit selon l'unanimité des savants. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, وَلَا تَحْرُمُ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ. Lakin la yahillu. Ah oui, excusez-moi, avant de passer à la suite. Si l'homme il prononce cela avec intention du divorce, il dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. avec l'intention de divorce. Il y a divorce ou pas? Voilà, il y a divorce. Si on applique ce qu'on a vu, il y a divorce. C'est une parole qui n'est pas claire dans le divorce. Hein, il n'a pas dit « je te divorce ». Mais cette parole a le sens du divorce et l'intention de cet individu, c'était le divorce. Donc, il y a divorce. Le divorce, il est appliqué. طيب ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به. Et donc, la femme ne lui est pas interdite lorsqu'il prononce cela. Lorsqu'il va dire à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, elle ne lui est pas interdite. Cependant, il ne lui est pas permis de la toucher jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui est ordonné. Il ne lui est pas permis de la toucher, c'est-à-dire d'avoir un rapport. Est-ce qu'il peut faire muqaddimat al-jima? Muqaddimat al-jima, est-ce qu'il peut faire des préliminaires avec elle? Les savants nous disent non. Ils nous disent non. Parce que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتحرير رقبات من قبل أن يتماس. Et donc tout d'abord, ils doivent libérer un esclave avant de se toucher. Ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Mais ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala a cité une parole générale. Et donc ça englobe le rapport, ainsi que les préliminaires qui entraînent au rapport. Alors cet homme-là, il ne lui est pas permis de faire ça, d'avoir un rapport avec son épouse tant qu'il ne fait pas ce que Allah lui a ordonné. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné? Il nous dit l'auteur, premièrement, an yu'tika raqabatan mu'minatan salimatan min al-'uyubi ad-darrati bil-'amal. Et donc l'auteur nous dit, donc c'est le fait de libérer un esclave croyant qui n'a pas de défauts qui vont l'empêcher de travailler. Et donc, encore une fois, on voit une expiation, le fait de libérer un esclave. S'il n'a pas la capacité, à la deuxième étape, alors là, l'auteur, il nous dit, « فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ » S'il ne trouve pas, alors à ce moment-là, il doit jeûner 2 mois d'affilée. Il doit jeûner 2 mois d'affilée. Ça veut dire quoi, jeûner 2 mois d'affilée? Sans interruption. On est d'accord? Donc, tu jeûnes 2 mois d'affilée, donc janvier, février, c'est ça? Non. Ok, d'accord. Et donc, ce sont 2 mois, donc, du calendrier égyrien. Toyim, ça c'est premièrement. Deuxièmement, s'il jeûne juste avant Ramadan, il commence juste avant Ramadan. Ouais. Et le prochain, donc il va interrompre son jeûne pendant Ramadan. Cette expiation, elle est interrompue pendant Ramadan. Tu ne fais pas cette expiation avec Ramadan. Tu jeûnes Ramadan en entier, et ensuite après Ramadan, tu jeûnes encore, et tu dis non, ça c'est bon, j'ai jeûné 2 mois. Non. Ramadan ne compte pas. Ramadan, c'est une autre obligation que tu as. Et donc, si tu commences juste avant Ramadan, tu commences juste avant Ramadan. Ensuite, tu jeûnes Ramadan et après Ramadan, tu complètes ce que tu as fait. Voyez. Ensuite, si cet homme, il a un rapport avec son épouse pendant la journée, il est en train de jeûner les 2 mois, il a jeûné 1 mois, au bout du 2e mois, il n'arrive plus. Comme un des compagnons qui disait que... Il avait justement, il sentait que Ramadan allait arriver. Et lui, il disait, j'avais des besoins que les autres n'avaient pas. Alors, lorsque Ramadan est arrivé, j'ai eu peur. Et donc, pour être sûr que je ne vais pas avoir de rapport avec mon épouse, je lui ai dit, Anti alayya ka dhahri ummi. Tu es pour moi comme le dos de ma mère. Il a dit, là, comme ça, je vais pas la toucher. Il a dit, le mois de Ramadan, il passe, je jeûnais et un jour, elle a commencé à hiyakene tardoumouni, et donc elle s'occupait de moi, elle me rendait service. Et là, il dit, fait qu'est-ce que fait, li min hache. Et donc il dit, là, j'ai vu une partie d'elle, il y a quelque chose chez elle, un de ses membres, qui m'est apparu. Alors je suis allé, j'ai fait, là maintenant la question, barakallahu fikoum, celui qui est en pleine expiation, il est en train de jeûner ces 2 mois. Il a fait le premier mois, mashallah. Le deuxième, en pleine journée, il a un rapport avec elle. Il ne se retient plus. Qu'est-ce qui se passe? Il recommence à zéro. En pleine journée de Ramadan. Celui qui le fait pendant l'expiation. D'accord? Celui qui le fait pendant l'expiation. Ok? Et donc là, il recommence à zéro. Maintenant, la question, celui qui le fait pendant la nuit. Il n'a pas fini son expiation. Il est pendant les 2 mois toujours, il est en train de jeûner. Et pendant la nuit, il ne jeûne pas. Pendant la nuit, il va avoir un rapport avec son épouse. Alors les savants, ils disent non, il n'a pas besoin de recommencer. Ils disent, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que Allah lui a interdit d'avoir un rapport avec son épouse avant d'avoir fini de jeûner les 2 mois. Là, il n'a pas encore fini de jeûner les 2 mois, mais il n'a pas rompu son jeûne. Son jeûne, il est valide. Le jeûne qu'il a eu pendant la journée, il est valide. Et le jeûne qu'il aura le lendemain, il est valide. Donc, il n'a pas rompu son jeûne. Il ne recommence pas à zéro. Il continue. On lui dit, tu ne refais plus ça. Et tu continues jusqu'à ce que tu finisses tes 2 mois. Fait, il n'a mis à statir, at'ama sittina miskinan. Et s'il n'a pas la capacité, alors à ce moment-là, il va nourrir 60 pauvres. À ce moment-là, il va nourrir 60 pauvres. Incha'Allahu ta'ala. Barakallahu fikoum. Encore une fois, donc ce n'est pas suffisant de nourrir un pauvre 60 fois, mais il est impératif de nourrir 60 pauvres. Qu'est-ce que tu donnes aux 60 pauvres? Qu'est-ce que tu donnes? Donc soit un repas qui est prêt, tu peux donner à ta famille, que tu donnes habituellement à ta famille. Ou alors, si tu veux, tu peux lui donner donc un sa', ou du moins, pas un sa', mais la moitié d'un sa', nusf sa'. La moitié d'un sa'. Et donc les savants nous disent un sa', ça représente en général, allez, 3 kilos. 3 kilos, donc là tu vas donner 1,5 kg de riz ou autre aliment qu'on peut donner dans cette mesure. D'accord? Ça c'est pour chaque pauvre. 1,5 kg de riz, 1,5 kg de ci et de ça, etc. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa sawa an kana adh-dhihar mutlaqan aw mu'aqqatan bi waqtin ka ramadan wa nahwihi. Et cela s'applique que donc même si la personne a fait cela, adh-dhihar, sans donner de limite, en disant à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Ou même s'il donne une limite en disant, tu es pour moi comme le dos de ma mère pendant le mois de Ramadan. Dans les deux cas, il a une expiation. Dans les deux cas, il a une expiation. Mais l'expiation, attention, barakallahu fikoum les frères, l'expiation, elle ne se fait qu'à un moment. C'est à quel moment? C'est quand il veut avoir un rapport. Quand il veut avoir un rapport. D'accord? C'est-à-dire que si l'homme, il a fait cela, il a dit à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Et qu'ensuite, il reste comme ça, sans avoir envie d'avoir de rapport avec elle, et qu'il n'a pas de rapport avec elle, l'expiation ne s'applique pas. Puisque cette expiation, elle s'applique, tu dois impérativement le faire avant d'avoir un rapport avec elle. D'accord? Wa amma tahrimul mamlukati wa at-ta'ami wal libas wa ghayriha fa fihi kaffaratu yamin. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous parle maintenant de l'homme qui se prive de ce qu'Allah lui a permis. Il ne va pas dire que son épouse est pour lui comme le dos de sa mère, mais il va se l'interdire. Ou alors il va s'interdire certains vêtements, ou s'interdire donc la nourriture. Il va s'interdire, il va dire ça c'est haram pour moi, ça c'est haram pour moi, etc. Il va s'interdire ce qu'Allah lui a permis. Alors à ce moment-là, donc, il lui est obligatoire de faire la même expiation que l'expiation de celui qui a juré et qui n'a pas donc respecté ce pourquoi il a juré. Certains savants nous disent qu'ici, il n'y a pas de preuve. Ils disent qu'il n'y a pas de preuve en cela. Pourquoi? Parce que donc l'expiation qui a été citée ici, c'est pour celui qui jure et qui ne respecte pas. Mais ici, ce sujet-là, il ne parle pas de ça. Ce sujet-là, il parle de celui qui s'interdit quelque chose. Il n'a pas forcément juré. Il n'a pas dit « Wallahi, ça c'est haram », etc. Là, il s'est juste interdit quelque chose. Ça, c'est certains savants qui disent cela. Mais la vie le plus juste, Wallahu alam, c'est que, oui, comme il a dit le cheikh Saadi, rahimahullah, il a une expiation. Il s'est interdit ce qu'Allah lui a autorisé. Il a une expiation. Pourquoi? Parce que nous avons en cela des fatawas des sahaba, Abu Bakr, Omar. On a Ibn Abbas dans Sahih Muslim. Ibn Abbas, sa fatwa, elle est dans Sahih Muslim. Et on ne connaît pas de mukhalif, on ne connaît pas d'autres compagnons qui s'est opposé à cela. D'accord? Et donc, il est important, il y a un principe important. Barakallahu fikoum. Quand dans un sujet, les seules preuves textuelles que nous avons sont les paroles des compagnons, on ne peut pas délaisser ça. On ne peut pas délaisser ça. D'accord? Ce sont eux les élèves du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ensuite, il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu « La tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum »« Ô vous qui avez cru, ne vous interdisez pas les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. » إلى أن ذكر كفارة اليمين في هذه الأمور jusqu'à ce qu'il cite Allah tabaraka wa ta'ala l'expiation de celui qui a juré, qui n'a pas respecté ce pourquoi il a juré dans cela. طيب, le dernier point qu'on voit ce soir, les frères, barakallahu fikum, al-li'an. Il nous dit, rahimahullah, wa amma al-li'an, fa'idha rama al-rajul zawjatahu bizzina, fa'alayhi haddul qadfi thamanuna jalda. Et donc, si l'homme, il accuse sa femme de fornication, barakallahu fikum, les frères, accuser sa femme de fornication, certains parfois, a'ouzou billah, ils ne font pas attention. Parfois, certains vont accuser clairement leur femme de fornication. Ou certains vont accuser leur femme de prostitution. De façon plus vulgaire, bien sûr. Hein, ils vont s'énerver. Et là, il accuse sa femme de prostitution. Et après, tu l'as accusé de fornication. Si tu lui dis qu'elle est une prostituée, la prostituée, elle fait quoi? Barakallahu fikoum, les frères. À l'époque des Sahaba, un homme s'est fait fouetter pour une raison. Parce qu'il était en conflit avec un autre. Et il lui a dit, moi, ma mère n'est pas une fornicatrice. Il lui a dit ça. Moi, ma mère n'est pas une fornicatrice. Il ne lui a pas clairement dit, ta mère est une fornicatrice. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, moi, ma mère n'est pas une fornicatrice. Les Sahaba, ils ont appliqué sur lui la sanction. Alors que vous voyez là, il n'a pas été clair. Mais ils ont dit, ça suffit. Et donc, barakallahu fikoum, on doit faire très, très, très attention dans ce sujet. Je ne parle même pas du fait de dire, ah, hier. Je ne parle pas de ça. C'est encore pire. Et donc, on doit tous, nous tous, faire très attention, barakallahu fikoum, sans compter le fait que déjà, à la base, la vulgarité s'interdit. On n'a pas à être vulgaire, que ce soit entre nous ou avec nos épouses. Et donc, que dire d'insulter, de calomnier, en étant vulgaire? Et donc, il nous dit l'auteur, donc celui qui accuse sa femme de fornication, il lui incombe donc la sanction de l'homme qui a calomnié en accusant de fornication. Quelle est cette sanction? Donc c'est 80 coups de fouet. 80 coups de fouet, barakallahu fikoum les frères, pas en France, dans un pays musulman. 80 coups de fouet dans un pays qui applique les lois d'Allah. C'est pas à nous de venir de prendre la personne, ah tu as fait, ben tiens je vais te donner 80 coups de fouet. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas gouverneur. C'est le gouverneur qui applique la sanction. S'il ne l'applique pas, c'est lui qui est responsable. Et donc cette personne, il lui incombe cette sanction. Sauf, il a un yuqim al bayyina arba'at shuhudin udul fayuqamu alayha al had. Et donc, sauf s'il montre la preuve. Et quelle est la preuve? 4 témoins fiables. 4 témoins qui sont fiables, intègres. 4 témoins qui sont intègres. Le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il nous dit dans ce sujet, aujourd'hui, à notre époque, 4 témoins intègres, ou alors dans plusieurs sujets où on nous demande des témoins intègres, même pour le mariage, il dit aujourd'hui, à notre époque, on ne peut pas mettre ça comme condition. Il nous dit, si on met ça comme condition, on n'applique plus aucune règle. Une personne qui a volé, à qui sont les témoins? Ben, les témoins, c'est eux. Ok, d'accord. Ben, il n'a pas volé, alors. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ne sont pas moustaqimines, etc., etc., etc. Il nous dit, si on applique ça aujourd'hui, on n'applique plus aucune règle. Pourquoi? Subhanallah, parce qu'il y a énormément de personnes dans la communauté qui ne sont pas intègres. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, « Walladina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum thamanina jalda. » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Et ceux qui accusent al-muhsanat, donc al-muhsanat, ce sont donc les femmes qui sont chastes. Ceux qui accusent les femmes chastes d'avoir commis la fornication, puis ne viennent pas, puis ne ramènent pas donc 4 témoins. Alors donnez-leur 80 coups de fouet et n'acceptez plus leur témoignage. Et ces gens-là, ce sont eux les fasiqoun. Ce sont eux les fasiqoun. Les grands transgresseurs. Alors, il nous dit l'auteur, rahimahullah. Donc, cette personne, cet homme, qui a accusé sa femme de fornicatrice, ici, il doit absolument ramener 4 témoins. Et s'il ne le fait pas, Alors, yula'in fa yuskit anhu haddul qadh, fa yaskut anhu haddul qadh. Alors à ce moment-là, yula'in, c'est-à-dire il appelle sur lui la malédiction, il invoque sur lui la malédiction si celui-ci est un menteur, et à ce moment-là, c'est là que la sanction donc lui sera évitée. C'est là qu'il va éviter la sanction, excusez-moi. C'est là qu'il va éviter la sanction. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit l'auteur, Sifatul Li'an, la description de El Li'an. Comment se passe cela? Naam. Ala ma dhakara Allah tabaraka wa ta'ala fi surat al-Nur. Donc, en se basant sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans surat al-Nur. Il nous dit l'auteur, Fayashhadu khamsa shahadatin billah, innaha la zaniya, wa yakulu fil khamisa, et donc cette personne, cet homme, il doit attester cinq fois en jurant par Allah que c'est une fornicatrice. Et durant la cinquième fois, il va dire que la malédiction d'Allah s'abat sur lui s'il est un menteur. Et donc il doit jurer cinq fois par Allah en disant que c'est une fornicatrice. Et la cinquième fois, il dit que la malédiction d'Allah s'abat sur lui si lui, c'est un menteur. Dans la sunna, donc, ils disent les savants, il n'y a pas de mal à ce que le gouverneur, avant la cinquième fois, il envoie quelqu'un qui lui fasse le rappel. Attention, là, tu vas prononcer la cinquième fois. La malédiction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, s'abat sur toi si tu es un menteur. Tu peux encore revenir. Attention, etc. Ça, c'est permis. Et ensuite, s'il veut et persister à continuer, alors il va jurer la cinquième fois en demandant la malédiction d'Allah sur lui s'il est un menteur. Puis, ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ. Ensuite, c'est au tour de sa femme. Sa femme, elle va jurer cinq fois par Allah en disant que lui, il est un menteur. Elle va jurer cinq fois par Allah en disant que lui, c'est un menteur. وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Et que certes, la colère d'Allah s'abat sur elle, si lui, il est véridique dans son accusation. Et même chose aussi, là, le gouverneur, il lui est permis, la cinquième fois, avant que la femme prononce cette parole, d'aller la voir et lui dire, attention, là, cette parole que tu vas prononcer, elle est grave si tu n'es pas véridique. Fais attention, il vaut mieux pour toi revenir, etc., etc. Mais si elle persiste de la même façon que le mari a persisté, alors, à ce moment-là, elle va jurer la cinquième fois. فَإِنْ تَمَّ الْلِعَانِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدَّ وَانْدَرَأَ عَنْهَ الْعَذَابِ. Et donc, si le lian, donc c'est fait parfaitement des deux côtés, alors, lui, l'homme, il n'a pas la sanction. Il n'a pas la sanction d'avoir accusé sa femme de fornicatrice, et sa femme, elle, n'a pas la sanction d'avoir, donc, forniqué. Aucun n'aura la sanction. La sanction qui est citée dans la législation. Et ensuite, les deux seront séparés. Et ils seront interdits au mariage. L'interdiction formelle. Ça veut dire que, après cela, aucun des deux ne peut se remarier avec l'autre. Aucun des deux ne peut se remarier avec l'autre. Et là ici, barakallahu fikoum, on a encore un deuxième exemple concernant al-baynuna al-kubra. Donc là, on avait traduit comment? La séparation définitive longue. On a un autre exemple concernant la séparation définitive longue, d'accord? Et sauf que celle-là, c'est la plus longue. Celle-là, c'est la plus longue. C'est-à-dire que même si elle se remarie avec quelqu'un après, etc., il ne peut pas se remarier avec elle. Il ne peut pas se remarier avec elle. Ensuite, donc, barakallahu fikoum, après cette séparation, l'homme, il ne peut pas demander la dot. Il ne peut pas dire, ah non, mais c'est elle, etc., donnez-moi la dot. Non, il ne peut pas demander la dot. Comme ça a été cité dans la sunna. Comme cela a été cité dans la sunna. Donc, il ne peut pas demander la dot. Ah oui, dernier point, les frères, les savants, ils disent aussi que c'est important, barakallahu fikoum, el-li'an, ça se fait auprès du gouverneur, c'est pas à la maison. C'est pas ici en France, ils font entre eux, ils font el-li'an à la maison, chez eux, dans l'appartement. Non, non, Ça, c'est quelque chose qui se fait auprès du gouverneur. Quelque chose qui se fait auprès du gouverneur. Jazakumullahu khairan. On arrête là pour aujourd'hui. On continue demain. Bi'idhnillahi ta'ala wa faqallahu al-jami'a li man yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.